Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, l'anarchiste, c'est un contrôleur de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Bonsoir à tous et à toutes, comment allez-vous? Je suis Thierry Gallet, j'anime depuis 34 ans, 35 ans bientôt, dès l'année prochaine, la saga des Fab Four, alors sur RIG depuis une douzaine d'années, et avant sur d'autres radios, mais toujours dans la région bordelaise. Mais auparavant, ça restait dans la région bordelaise, et grâce à RIG, grâce au fait que on peut émettre sur Internet, eh bien, vous pouvez nous écouter sur www.rigfm.fr, mais également, j'y pense, sur la FM, sur 90.7. Salut à tous ceux qui sont aux alentours de Bordeaux, et donc bonjour à tout le reste du monde. Les Américains, peut-être, hein? Ben oui, certainement. Après avoir passé une soirée d'enfer, et ils écoutent la saga des Fab Four. Il est 14h sur la côte Est. Je peux comprendre, c'est très intéressant d'écouter la saga des Fab Four, parce qu'on parle de Magical Mystery Tour. Aujourd'hui, l'album de la semaine pour cette 391e saga des Fab Four. On écoutera Magical Mystery Tour, forcément, The Fool on the Hill, il y aura également I Am the Walrus, il y aura Strawberry Fields Forever, Your Mother Should Know et All You Need Is Love. Que du classique, mais que du bon, faut avouer quand même. Il y aura du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr, comme par exemple, pour McCartney, That Would Be Something, sur son premier album solo en 1970. L'album s'appelle McCartney. Il y aura également pour Lennon, Power to the People, sur l'album, enfin, c'est un 45 tours, mais vous le retrouvez maintenant sur l'album Plastic Ono Band de 1970. Pour George Harrison, ce sera Hear Me Lord sur All Things Must Pass, la même année, en 1970. Quant à Ringo Starr, nous attendons 4 ans de plus, l'album Goodnight Vienna en 1974 et cette chanson a cappella. Pour le reste, eh bien, vous le découvrirez au fur et à mesure. Je vous invite à nous rejoindre sur la page Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. C'est facile, La Saga des Fab Four. Fab pour fabuleux, Four, ils étaient 4, c'est de l'anglais. Et on parle donc des Beatles. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à tout de suite. Premier titre dans quelques instants, Magical Mystery Tour, les Beatles, et on parle juste après un petit peu de l'album et de cette chanson, Magical Mystery Tour. Bonne soirée à tous et à toutes sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Magical Mystery Tour est le 9e album solo des Beatles, sorti le 27 novembre 67 aux États-Unis parallèlement au film éponyme, tandis que la version britannique, mise en vente le 8 décembre 67, est un double maxi. Je l'ai eu. Enfin, c'était pas moi, c'était ma sœur, mais je me souviens très très bien de ce double maxi. Donc de la bande originale contenant les 6 titres du film. La bande originale est composée de 6 pièces composées et enregistrées durant l'été et l'automne 67 dans la foulée du succès de Sgt. Pepper et de la mort de Brian Epstein. Deux titres s'y démarquent particulièrement, The Fool on the Hill et I Am the Walrus, tandis que la face B de l'édition américaine est prétexte à la réunion de tous les singles publiés par le groupe durant l'été, notamment All You Need Is Love, Strawberry Fields Forever et Penny Lane. Ces chansons marquent les derniers feux de la période psychédélique du groupe, les Beatles s'écartant de ce genre dès l'année suivante. Qu'il s'agisse du EP, donc du petit format britannique ou de l'album américain, le disque connaît un grand succès, atteignant le sommet des charts dans sa catégorie aux États-Unis et la deuxième place des classements des singles en Angleterre, chose rare pour un double EP. La formule américaine se révèle cependant plus convaincante et est généralisée à partir de 76. Comment ça s'est passé? En 1967, le 11 avril, dans l'avion qui le ramenait de Londres, Paul se mit à travailler sur une idée d'émission télévisée exceptionnelle des Beatles. Le groupe n'avait plus envie de se limiter aux comédies qui avaient fait leur succès au cinéma à leur début. Et Paul était fasciné par l'idée de réaliser lui-même un film. Il travaillait déjà avec une caméra 8 mm et avait composé des bandes-son électroniques. Encouragé par l'ambiance expérimentale de cette époque, Paul envisagea de réaliser un film sans scénario pour lequel les personnages et les lieux de tournage étaient définis à l'avance, mais où l'histoire et l'action se développaient spontanément devant les caméras. Son idée était de réunir les Beatles et un assortiment d'acteurs et de personnes pittoresques dans un voyage en autocar à travers la campagne. Il y a deux sources principales d'inspiration derrière Magical Mystery Tour. La première est l'usage très répandu dans la classe ouvrière anglaise du Mystery Tour, une excursion organisée en bus pour laquelle seul le chauffeur connaît l'itinéraire et la destination. La seconde était l'idée qu'avait eu l'écrivain américain Ken Kesey, l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, entre autres, de traverser les États-Unis dans un autocar entièrement décoré de couleurs psychédéliques. À l'avant était inscrit « Further », plus loin, et à l'arrière « Caution, Weird Load ». Attention, chargement étrange. L'idée de Casey était de remplir un quart de freaks adeptes de la contre-culture, de mettre la musique à fond, de verser du LSD dans les boissons et de partir pour voir ce qui arriverait. Le 25 avril, Paul arriva dans les studios d'Abbey Road, munis simplement du titre de la chanson, Magical Mystery Tour, du premier vers et d'une idée de mélodie. Il expliqua aux autres qu'il voulait que sa chanson ressemble à une publicité télévisée, expliquant au public ce qu'était son produit. Lorsqu'ils eurent enregistré une première ébauche de l'accompagnement musical, Paul demanda que tout le monde cherche des mots évoquant des excursions mystères. Et Mal Evans les nota. Ils trouvèrent Invitation, Reservation, Trip of a Lifetime et Satisfaction Guaranteed, mais cela ne suffisait pas. Ils complétèrent la piste vocale en chantant tout ce qui leur passait par la tête. Deux jours plus tard, Paul revenait avec un texte entier et ça donnait cette belle chanson. Voilà, on s'arrête là parce que place à la musique dans la saga des Fab Four. Something, it really would be something. That would be something. To beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. That would be something. Really would be something. That would be something. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. That would be something. It really would be something. That would be something. To beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Fall. falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Woo. Falling rain, mama, beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain. Petit aparté, il paraît qu'il y a pas mal de coupures sur le réseau du net, sur le site RIG. Alors essayez, comme le conseille Sophia sur Facebook, essayez www.écouterradioenligne.com/RIG-Bordeaux. Et vous devriez tomber sur RIG, donc la même chose, mais avec une écoute confortable. Faites-le, écouterradioenligne.com. C'est très simple et apparemment c'est efficace. Merci Sophia.

seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, oh, oh, oh. Que la chanson n'ait pas été enregistrée avant septembre, Paul avait commencé à travailler sur The Fool on the Hill en mars 1967, à l'époque où il composait With a Little Help from My Friends. Hunter Davis, le biographe des Beatles, se souvient d'avoir regardé Paul jouer et chanter une superbe chanson très lente parlant d'un homme insensé assis sur une colline, tandis que John écoutait en regardant fixement Cavendish Avenue par la fenêtre. Paul la chanta plusieurs fois faisant la la la à la place des mots qu'il n'avait pas encore trouvés. Lorsqu'il eut enfin terminé, John lui dit qu'il valait mieux écrire les paroles pour qu'il ne les oublie pas. Paul lui répondit que ça allait, il ne les oublierait pas, ajoute Davis. The Fool on the Hill, le fou sur la colline, parle d'un idiot savant, un homme que tous croient fou, mais dont la folie dissimule une véritable sagesse. Une expérience que Paul aurait vécue était censée avoir contribué à l'image du fou sur la colline, selon les propos de Alistair Taylor dans son livre Yesterday. Taylor se souvient d'une promenade qu'il avait faite un matin très tôt sur Primrose Hill avec Paul et sa chienne Martha. Ils avaient regardé le soleil se lever avant de s'apercevoir que Martha avait disparu. Nous avons fait demi-tour pour rentrer, nous avons vu soudain cet homme qui se tenait derrière nous, écrit Taylor. Il était entre deux âges, habillé de façon fort respectable avec un appert fermé. Cela pouvait ne rien avoir d'étrange, mais il était arrivé devant nous depuis l'autre côté de la colline dans un silence absolu. Paul et Taylor étaient certains que l'homme n'était pas là quelques secondes plus tôt parce qu'ils avaient fouillé les environs à la recherche de Martha. Il semblait être apparu par miracle. Les trois hommes échangèrent des salutations. L'homme dit quelques mots sur la beauté du paysage puis s'éloigna. Lorsque Paul et Taylor regardèrent autour d'eux, il avait disparu. Il n'avait plus le moindre signe de lui, raconte Taylor. Il avait disparu du flanc de la colline comme s'il avait été emporté dans les airs. Peut-être qu'ils avaient fumé quelque chose, ça c'est mon avis à moi. Dans Magical Mystery Tour, la chanson The Fool on the Hill fut utilisée pour la séquence dans laquelle on voit Paul au sommet d'une colline qui domine Nice en France. Mais oui, et on retrouve Paul et George maintenant dans ce titre de l'album Why Not en 2010, Walk With You. Ringo Starr et Paul, c'est ce que j'ai dit, je crois. En tout cas, voici Walk With You sur RIG. Tell me it's a cold day in hell when you surrender.

Laisser la voiture s'arrêter. Vous êtes bien sur RIG 90.7. Vous pouvez l'écouter si vous êtes dans la région bordelaise, à Talence par exemple. J'ai habité Talence, c'est une ville très très très sympa, ou n'importe où ailleurs. Hein. Nous on émet depuis Blanquefort, donc si vous êtes sur Bordeaux et dans la région, vous pouvez capter sur 90.7. Si vous n'êtes pas dans la région, utilisez le www.rigfm.fr pour pouvoir l'avoir sur le net. C'est ce que font énormément de personnes, et je vous remercie tous et toutes, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est ce que disent toutes les radios généralistes, mais nous ici, eh ben nous ici c'est vrai. Donc je vous remercie, parlez-en autour de vous, la saga des Fab Four, c'est uniquement ici, à Bordeaux, le mercredi, entre 20h et 22h, et ça s'appelle la saga des Fab Four, ça parle de John Paul Ringo George, de 1962, avec Love Me Do, octobre 1962, jusqu'à maintenant. S'il y a une actualité Beatles, ou s'il y a une actualité Paul ou George, même George, même Ringo, même John, voilà, c'est ce que je voulais dire. Eh bien, on en parle dans la saga des Fab Four. Par exemple, dans deux jours, va sortir le White Album, les 50 ans de l'album blanc. Et lorsqu'on achète l'album en version numérique, vous savez, sur iTunes, par exemple, quelque chose comme ça, eh bien, on reçoit les chansons un petit peu en avance au fur et à mesure que la date approche. Je vous propose donc d'écouter ce qui était avant un pirate, qui ne l'est plus, qui ne le sera plus dans deux jours, Glass Onion, la version démo, la version qu'on appelle Escher Demo sur RIG. C'est maintenant et c'est dans la saga des Fab Four. Just another place you can go. Everything glows. Looking through the bent back tulips to see how the other half lives. Looking through a glass onion. I told you about strawberry fields. Well, here's a place you know just as real. Just another place you can go. Everything glows. Looking through the bent back tulips, feeling how me and my friend loves Jabba Jabba. Strawberry field, well, here's the place you know just as real. Ooh. It's just another place you can go. Everything glows. Help. Help me when back to the Alors McCartney, George Harrison, John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet, quatre garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. Là, mettez le miel à portée parce que nous allons hurler Monkberry Moon Delight sur la RIG. Don't quelle voix! C'était en 1971 sur l'album Ram, Monsieur Paul McCartney et Monkberry Moon Delight. On revient 4 ans auparavant. De 71, 4 ans auparavant, nous sommes en 1967 et l'album de la semaine, l'album Magical Mystery Tour. Voici un monument, un chef-d'œuvre, un éclair de génie, quelque chose d'extraordinaire. I am the walrus. No you're not, c'est Little Nicolas. C'est le titre complet de ce titre-là, de cette chanson. Tuesday man, you've been a naughty boy, you let your face grow long. I am the Eggman, they are the Eggmen. I am the walrus, Mr. City Policeman, sitting pretty little policeman in a row. See how they fly like Lucy in the sky, see how they run. Being a naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman. Serviceable villain. future to the bicycle by mistress, stand just in retirement. Is he dead? Sit you down, father. Rest you. Un monument, un chef-d'œuvre. La surprenante longueur de la chanson, plus de 4 minutes et demie, et sa structure décousue doivent beaucoup au fait que I Am The Walrus soit un amalgame de 3 idées de chansons différentes, sur lesquelles John travaillait à l'époque sans qu'elles lui paraissent suffisantes pour justifier d'un morceau entier. La première, inspirée par une sirène de police qu'il avait entendue dans le lointain depuis sa maison de Weybridge, commençait par les mots Mr. City Policeman et se poursuivait au rythme de la sirène. La deuxième était une chanson pastorale, parlant de John dans son jardin de Weybridge, et la troisième, un délire absurde, dans la tradition du non-sens anglais où il est question d'être assis sur un flocon d'avoine. John avait appris que certains profs, même de toute façon les fans des Beatles, décortiquaient ses paroles. Alors il s'est fait un malin plaisir de mettre des paroles totalement incompréhensibles, des allusions incompréhensibles et incohérentes, juste parce qu'il a dit « Quand on était enfant, on s'amusait à faire ça dans les cours d'école, donc pourquoi pas maintenant, ça les emmerdera bien. » Voilà. L'enregistrement de « I am the Walrus » débuta le 5 septembre et se poursuivit de façon irrégulière durant tout le mois parce que George Martin essayait de trouver un équivalent musical aux mots et aux images de John. Il fait appel pour cela à des violons, des violoncelles, des cuivres, des clarinettes et un ensemble de 16 choristes en plus des Beatles eux-mêmes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. On revient à du rock bien basique. Alors, ben c'est rigolo, tiens, je l'ai pas fait exprès. Tout à l'heure, nous sommes passés de 71 à 67, 4 ans auparavant. Et bien, passons de 67 à 63, 4 ans auparavant. I saw her standing there, sur RIG. 1, 2, 3, 4! Ceux qui savent danser, en plus, pouvaient danser sur ce titre-là. Le premier titre qui figure sur le premier album officiel des Beatles en 1963. L'album s'appelle « Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs », si on veut donner le titre en entier. Généralement, on se contente de dire « Please Please Me », c'est déjà pas mal. Et ce titre-là, c'était « I Saw Her Standing There », un excellent morceau signé Monsieur Paul McCartney. J'ai eu envie cette semaine, et c'est pour ça que je parle, pour vous faire oublier un petit peu le morceau précédent, j'ai eu envie de vous proposer les instrumentaux qu'ont pu faire les ex-Beatles, j'allais dire les Beatles, oui, sauf que cette semaine, j'ai choisi les morceaux après la séparation. Alors, ça va être un instrumental ou un à peu près instrumental, c'est-à-dire s'il y a 3-4 paroles dessus, considérez que ce sera un instrumental quand même. Il y aura Grease de George Harrison sur Gontropo en 82. Il y aura Lunchbox Hot Socks sur Venus and Mars pour Paul McCartney en 75. Il y aura le seul instrumental connu sur les albums officiels de John Lennon, Beef Jerky sur Walls and Bridges en 74. Et quant à Ringo Starr, il y en a quelques-uns. J'ai choisi Going Down sur l'album Old Wave. On va les écouter au fur et à mesure de la soirée, juste pour le plaisir de se dire qu'ils savaient aussi faire un instrumental s'ils en avaient envie. McCartney, il en a fait plein. On en écoutera de temps en temps. Cet instrumental-là, c'est George Harrison. Et au début de la saga des Fab Four, c'était le générique jusqu'à il y a, je ne sais plus, 25 ans ou plus que ça, où j'ai décidé de changer pour choisir Rockestra Thing que vous entendez maintenant. Mais au départ, c'était celui-là, mon titre en 84. Au tour de Paul McCartney. Lunchbox, Old Socks sur RIG dans la saga des Fab Four. You've got a lot, and from what you've got, I'd say you're doing well, dear. Dressed like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear. Your little man, your little man, brings you trinkets when he can, but he can't stay, dear. That's very well, that's very well, but inside you shine a shell, you dance all day, dear. Sorti en 1976 sur l'album Wings at the Speed of Sound, ce morceau de Paul McCartney, Sandfairyan, et pendant des années, j'ai dit Sandfairyan, avant de m'apercevoir, parce que quelqu'un me l'a dit, que ça ressemblait au français « ça ne fait rien ». Je ne m'étais absolument pas rendu compte de ça, et c'est volontaire, c'est un petit jeu de la part de Paul McCartney, et bon, ça ne fait rien, c'est pas grave, j'ai pu l'écouter des années en disant « Sandfairyan », voilà, tout simplement. Attention mesdames et messieurs, chef-d'œuvre pour l'album de la semaine. Strawberry Fields Forever, mais ai-je besoin de le présenter? Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Sometimes think it's me, but

and you're the sea. 'Cause I'm the apple and you're the tree. 'Cause I'm the door and you're the key. 'Cause I'm the honey and you're the bee. Très sympathique version qui figure donc sur l'anthologie de New York, sortie en 1998. On retrouve l'instrumental, cette fois-ci. John Lennon a prétendu qu'il avait vu un ovni. Et ça lui a inspiré ceci, Beef Jerky sur RIG. Seul instrumental connu de John Lennon. On se dépêche, il va falloir foncer maintenant. Your mother should know sur RIG. 1971 sur l'album Imagine, John Lennon bien évidemment, avec It's So Hard. Il est temps pour nous de retrouver une dernière fois l'instrumental, un instrumental donc du quatrième et non des moindres, Monsieur Ringo Starr. C'était en 1983 et le titre s'appelle Going Down, c'est sur RIG. the wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jack and Roll, Dave, now. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Celle de l'album Let It Be, la version connue, quoi, la version normale de Across the Universe de John Lennon et des Beatles, bien entendu. On retrouve une dernière fois l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Magical Mystery Tour, sorti en 1967. Et ce titre, que je ne présente pas non plus, encore un chef-d'œuvre à la suite. All you need.

continue à se casser la voix avec un titre d'Abbey Road et Paul McCartney qui chante Oh Darling sur la régie. Darling. Eric et Johnny de A à Z. Pour l'instant, une version acoustique de Watching the Wheels sur l'album Funny People sorti en 2009. John Lennon sur les régies. People say I'm crazy. Doing what I'm doing. They give me all kinds of warnings. asking questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solution. Well, they shake their heads and look at me as if I've lost my mind. Chevalier a dit au jeune Johnny Hallyday, soigne ton début, soigne la fin, et entre les deux, fais ce que tu peux. Eh bien, nous avons commencé avec Magical Mystery Tour, nous avons terminé avec Rock Island Line, et entre les deux, c'était quand même pas mal du tout. Je vous laisse en très bonne compagnie, celle d'Eric. À très bientôt, merci et ciao. La semaine prochaine, soyez pas étonnés si l'album blanc, ça pourrait être l'album de la semaine. Peut-être, peut-être. Bye.